أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين. Donc nous louons éternellement le Seigneur des mondes, que l'honneur et l'élévation de gré le plus complet, le plus parfait soit accordé à notre maître Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din. C'est-à-dire celui pour qui Allah veut le bien lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc chapitre exposant l'importance de prendre en considération ce qui est permis halal et de se garder de l'interdit haram et de connaître certains jugements relatifs à la vente et à d'autres transactions. Que l'on sache qu'il est du devoir de tout musulman responsable. Donc on sait c'est quoi une personne responsable, c'est-à-dire pubère et saint d'esprit, de ne pas s'engager dans une affaire avant de savoir ce que Allah Ta'ala donc là il y a une erreur de donc, à corriger pour celui qui a le livre, page 127. Donc, il y a des erreurs de l'imprimerie comme ça. Donc à effacer, enfin on va mettre entre ouais barré sans nom. Donc il est du devoir de tout musulman responsable de ne pas s'engager dans une affaire avant de savoir ce que Allah Ta'ala a rendu licite et illicite. Tu peux fermer la porte. Donc car Allah subhanahu wa ta'ala nous ayons ordonné de nous soumettre, c'est-à-dire nous ayons chargé et ordonné de respecter certaines choses et interdit d'autres, il est indispensable d'observer ce que Allah Ta'ala nous a chargé de respecter. Donc Allah Subhanahu wa Ta'ala dit: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. C'est-à-dire, si vous essayez de dénombrer les bienfaits que Dieu vous a accordés, vous n'y arriverez pas. Donc, Dieu nous a accordé des bienfaits qu'on ne peut pas dénombrer, on doit le remercier en sachant qu'il n'a pas besoin de notre remerciement, il n'a besoin de rien. Il nous a créé pour nous ordonner de l'adorer, comme cela est cité dans le Coran. Donc on doit remercier Dieu en faisant ce qu'il a ordonné et éviter ce qu'il a interdit. Ceci a lieu par l'apprentissage de la science indispensable de la religion, en accomplissant les devoirs, tous les devoirs, et en évitant les interdits, tous les interdits. Donc Allah a rendu permis la vente et a rendu interdit le riba, le gain usuraire. C'est dit dans le Coran. Allah Ta'ala dit: Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah a rendu licite la vente et a interdit le gain usuraire. Donc pour faire des bénéfices, gagner de l'argent, Dieu a permis la vente. La vente en islam c'est permis, donc chez tous les prophètes, c'est donc d'acheter et de vendre à un prix plus élevé. Donc la loi de l'islam ne fixe pas un pourcentage dans le bénéfice. C'est-à-dire, certains ils disent non, le double tu dépasses pas, ou le triple, ça c'est faux. Il est arrivé une fois à Médine que les prix sont devenus chers et ils ont demandé au prophète de fixer les prix. Le prophète donc n'a pas voulu. C'est-à-dire, leur a indiqué que c'est pas ainsi dans l'islam. Il a dit innama al-bay'u 'an taradin. Il a dit certes la vente est selon un consentement mutuel. C'est-à-dire tu es d'accord, je l'ai acheté à 10, je le vends 100. Tu veux pas acheter. J'ai envie d'acheter mais j'ai pas besoin. Bah tu n'achètes pas. Pourquoi? Parce que tu vas pas mourir en fait. Parce que dans l'islam, il y a une règle. Si tu es Le musulman, il a besoin d'un besoin vital, ça, vous l'avez vu dans le chapitre des péchés, tu dois lui donner. Donc, vous voyez que c'est donc chaque chose à sa place. S'il n'a pas acheté le silo, il va pas mourir, c'est pas un besoin vital. Maintenant, on a vu dans le chapitre péché du corps, je crois, ne pas donner ce qui manque d'un besoin vital. Il est là, il va mourir de faim, de soi. Tu dois lui donner, même si tu en as besoin pour après. Ça, c'est à part. Donc, ce n'est pas les cas d'exception. Les cas d'exception, ils ont un jugement à part, en islam, comme c'est interdit le porc. On ne parle pas à quelqu'un qui est dans le désert, il va mourir, il y a du porc, là, il peut manger de la quantité pour ne pas mourir. Ou boire de l'alcool de la quantité qu'il ne va pas mourir dans le désert. Il n'y a rien. Donc, les cas d'exception, c'est à part. Donc, tu n'as pas d'argent d'acheter, bah, tu n'achètes pas. Tu n'es pas obligé d'avoir un stylo ou une voiture, je sais pas. D'accord ? Donc, dans l'islam, on propose, ce qui est haram, c'est de mentir, de dire, c'est, je vends à perte, alors qu'il ment, ou ça vient de tel pays, c'est telle fabrication, alors que c'est faux. C'est-à-dire, il décrit la marchandise mensongèrement. Mais s'il vend, et puis il vend cher, c'est pas interdit. Il propose le prix qu'il veut. Parce que lui, il n'est pas obligé de dire combien il a acheté. Donc la vente, c'est permis dans l'islam. Le commerce, tout ça. Bien sûr, ce qui est interdit, donc on va voir. Vendre ce qui est haram, c'est haram. Le prophète, il a dit, Inna Allah, idha harrama ala qawmin akla. Shay'in harrama alayhim akla thamanihi. C'est-à-dire, si Dieu a interdit pour un peuple de consommer une chose, il a interdit de consommer son prix. Ce qui est haram, à manger, c'est haram, à vendre. Dans l'islam, aider au péché, c'est un péché. Vendre de l'alcool, c'est haram. Transporter, etc. Dans un hadith, le prophète, il a montré que c'est haram vendre le pressé, le livré, etc. Ce qu'il a de même, là, il faut voir. Il lave, comment ça? Si c'est... oui, ça c'est haram. Parce qu'il l'aide. Il aide au péché. Aider au péché, c'est un péché dans l'islam. Si Dieu interdit une chose, tu voles pas, mais tu aides quelqu'un à voler. Tu voles pas, mais là, tu organises comment il va venir voler. Tu vas pas voler directement, tu as aidé. Tout le monde va dire, ah oui, c'est pas bien. Donc, pareil, tout interdit que Dieu a interdit, c'est interdit d'aider à cela. Allah dit dans le Coran clairement, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Entraidez-vous pour le bien et la piété, ne vous entraidez pas pour le péché et l'injustice. Donc aider au péché, c'est un péché. C'est normal, c'est logique, si Dieu te l'a interdit, etc. Ça veut dire que c'est pas bon. Et c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour les autres. Donc tu ne peux pas aider les autres à le faire. C'est logique. Et c'est qui ordonne, qui interdit? C'est Dieu. Dieu, tout lui appartient, il fait ce qu'il veut, il ordonne ce qu'il veut, et il fait ce qu'il veut. Donc, on ne peut pas s'opposer à Dieu. D'accord? Dieu ordonne et interdit ce qu'il veut. C'est Ibrahim, Dieu lui a ordonné d'égorger son fils. Il allait le faire. C'est marqué dans le Coran qu'il allait faire l'ordre de Dieu. C'est Ma Tu'mar, c'est cité. Il n'a pas dit à Dieu comment. Son fils appartient à Dieu, tout lui appartient à Dieu, il allait faire l'ordre de Dieu. Non. Les prophètes, ils sont intelligents, donc ils comprennent cela. L'ordre de Dieu, il passe avant toute chose. Car tout l'univers appartient à Dieu. Si Dieu peut anéantir, s'il veut, il anéantit l'univers en un instant. Si Dieu veut, ton cœur, il s'arrête en un instant. Combien de gens, tous les jours, les gens, ils meurent de crise cardiaque. Ils n'ont rien, hop. Ils s'arrêtent. Ça y est. L'heure est venue, c'est... Voilà. Donc, ce qui a accordé l'extrême bienfait, c'est Dieu. Donc, qui mérite l'extrême soumission, c'est Dieu. Parce que tes yeux, tes mains, etc., c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pas les humains. Donc, c'est Dieu qui mérite l'extrême soumission. Et qu'il mérite qu'on lui obéisse en priorité. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La ta'ata li makhlouqin fi ma'siyat al-khalq » On n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Donc c'est une règle que le prophète il a donnée. On n'obéit pas à une créature pour désobéir au créateur. Donc il y a... Donc le juste milieu, c'est suivre la loi de Dieu. Dieu a permis la vente, on ne peut pas interdire. Même s'ils vendent très cher, ce n'est pas haram. Donc tu peux vendre ce qui est illicite. Pas de problème. Et le prophète nous a montré que la meilleure façon d'acquérir l'argent, c'est le commerce et l'agriculture. Et le prophète, il a montré dans un hadith, il a dit que l'un de vous il va ramasser du bois, il va le vendre, il va à la montagne, qu'il va ramasser du bois, il va le vendre, c'est mieux que d'aller mendier. C'est un hadith. Sayyidina Abu Bakr, quand il était calife, calife des musulmans, le lendemain ils l'ont trouvé dans le marché, il vend. Calife des musulmans, le chef de tous les musulmans, il travaille dans le marché. Il a dit, Omar, tu fais quoi? Il a dit, ça c'est pour la famille. Il n'a pas dit, ah ça y est, j'ai le trésor, ça, je prends tout, je gère l'argent des musulmans, je purge direct. Et Sayyidina Omar, il a dit, non, mais toi, comme tu es au service des musulmans, on va te donner un salaire qui te suffit. Donc vous voyez comment il pensait. Il l'a arrêté? C'est, ouais, c'est les compagnons qui l'ont arrêté. Mais comment il pense, alors que lui, il est intelligent, c'est pas quelqu'un qui est bête, il est super intelligent, mais c'est des gens qui ne sont pas attachés. Quand il a été élu calife, il a dit, j'ai jamais cherché le pouvoir, ni intérieurement, ni extérieurement. C'est des gens, ils sont au service des musulmans. Donc, le prophète, il a montré que le musulman, au lieu de mendier, bah, il travaille le travail illicite. Bien sûr, l'État musulman, la loi musulmane facilitait cela. En islam, il n'y a pas impôt, tu payes la place. Avant, quand il voulait vendre, il allait dans le marché, celui qui est le premier venu, le premier qui prend la place. Le suivant, il peut venir s'installer sans gêner l'autre. Il peut prendre une place qui ne gêne pas l'autre ni les clients de l'autre. Tout simplement. Ce qui fait les gens, ils étaient encouragés à travailler. Ils ne se disent pas, non, il faut que tout un paperasse à faire. Donc ils vendaient. Donc en islam, ça n'existe pas. On verra dans les transactions. Dans l'islam, ça n'existe pas. La terre appartient à l'État. Ça n'existe pas en islam. En islam, le premier venu à la terre, il peut se l'approprier s'il construit une construction. Ou il la boue. Ça devient sa terre. Aussi simple que ça. Il n'y a pas, il paye le gouvernement. Non. Dans l'État islamique, le gouvernement était le plus pauvre, généralement. Dans les premiers califes du moins. Omar, il avait un habit avec plein de trous. Alors c'était un grand guerrier, c'était le chef des musulmans. Il avait un habit avec plein de trous. Et il allait dans le marché, il surveillait. Il tournait, Saïdna Omar, dans le marché, il disait aux gens, il donnait des questions. Est-ce que c'est valable cette transaction? Est-ce que c'est valable? Après, il disait aux gens, la yaqadu fi souq inna ma lam yatafaqqa. Ne reste pas dans nos marchés celui qui n'a pas appris la religion. Comme ça, il disait. Donc, c'était des gens qui étaient sincèrement au service des musulmans. Saïdna Omar, il donnait allocation aux nouveau-nés. Quand quelqu'un a un nouveau-né, il donnait l'argent. Les gens, ils ont besoin, ils donnaient. Ils étaient au service des musulmans, en fait. Ils ne prenaient pas un château, tout ça. Ils mangeaient. Même les gens lui offrent à manger. Il dit, c'est normal, quand il y avait la sécheresse, tout ça, pendant un an presque, il mangeait pain et de l'huile. Et les gens ramenaient la nourriture pour lui. Il dit, non, allez-y, telle famille, prends cette nourriture, telle famille. Lui, il mettait du pain sec avec de l'huile. Donc, ils étaient, ces gens, ils étaient au service des musulmans et ils géraient donc, l'État musulman au mieux, selon la loi de Dieu. Donc, dans l'islam, la vente, c'est permis. C'est selon un consentement mutuel. Il s'est dit dans le Coran, une ayah, « Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. » C'est une ayah. Ça veut dire que la ayah dit, ça signifie qu'il ne faut pas manger l'argent entre vous injustement, sauf que si c'est pour gagner de l'argent, c'est le commerce entre vous de façon consentante. Tu n'es pas obligé d'acheter. Moi, je te vends ça pour 1000 euros. Tu vas acheter, tu ne veux pas. Tu vas avoir un autre. Donc, c'est comme ça dans la religion. Mais ce qui est interdit, c'est de faire croire que. Dire, ah, mais c'est le prix du marché. Là, c'est interdit si tu mens. Le prix du marché, tu sais que c'est telle valeur. Et toi, tu dis, ah, c'est le prix du marché. Alors que tu sais que tu vends plus cher que le prix du marché, le prix habituel. Là, tu mens. Mais tu dis, ah, moi, je vends cher. Tu as acheté. Maintenant, le prophète, il a montré une chose dans le hadith. Il dit, Rahimallah imri an samhan idha ba'a samhan idha ashtara. C'est-à-dire que Allah fasse miséricorde à quelqu'un qui est facile quand il vend et facile quand il achète. C'est-à-dire c'est bien d'être facile des deux côtés. L'autre il facilite, ils ne vont pas trop cher. Et aussi l'autre il ne casse pas la tête. C'est-à-dire dans l'islam, c'est pas bien de venir, ah vas-y, baisse. Ça c'est pas bien. C'est pas haram, mais c'est pas bien. Marchandage, c'est pas bien. Trop négocier, c'est pas bien. Ouais. Une fois, tu dis, tu me le vends pourtant, il veut pas, tu pars. Si lui il t'a appelé, c'est bon. Et tu me laisses pour ça, ça y est. Je te l'achète pour quand? Une fois. Mais si tu négocies, c'est pas haram, mais c'est pas bien. Sauf si pour nécessité, tu achètes pour des pauvres, pour. Voilà, tu as acheté pour la mosquée et tout. Là, tu négocies, il n'y a pas de problème parce que c'est pas. C'est pour nécessité. Ou toi, en fait, t'es pauvre. Si tu négocies pas, tu vas pas t'en sortir. Là, il y a une excuse. Pour une excuse, c'est pas grave. Mais sans excuse, c'est déconseillé, mais c'est pas interdit. Vous voyez la nuance? C'est pas bien. Ça, c'est important de savoir. Pourquoi? Parce que si tu vois quelqu'un, il négocie pas, il faut pas blâmer. Parce que tu contredis l'islam. Si tu dis, ah, t'es bête, toi, tu négocies pas, attends, je vais te montrer, moi. Non, dans l'islam, c'est bien. Et d'ailleurs, les gens, ils aiment bien. Quand ils voient celui qui ne négocie pas, il aime bien. Il dit, ah, lui, il achète. Voilà. Il ne négocie pas. Si ça ne te plaît pas et le prix ne te plaît pas, tu t'en vas, tu ne négocies pas. Lui, tu le casses par la tête et puis toi aussi. Parce que des fois, on voit que tu vas des fois l'inciter à mentir. Tu vas amener. Shaitan dit, ah, vas-y, mens pour que les clients y restent. Ah, mais je vends à perte, mais voilà. Des fois, tu les vois, ils s'énervent. Tu le vois au marché. Quand trop il négocie, il s'énerve. Tu le vois même au marché fruits et légumes. Ouais, il dit, toi, tu reviens plus. J'ai déjà vu. Ah, mais toi, arrête. Tu m'as cassé. Reviens plus. J'ai vu plusieurs fois comme ça. Ah, je vais au marché. Il dit, ah, mais toi, arrête. Tu veux que je te donne gratuit? Et des fois, il commence à insulter. Donc, on voit pourquoi que c'est pas bien. Il y a une sagesse. Déjà, parmi les pires des endroits, le prophète dit que les marchés, il y a beaucoup de shaitan. Et en plus, toi tu lui casses la tête, et avec le shaitan qu'il y a, qui l'argent, tout ça, il va peut-être mentir, dire des choses pas bien. Donc, et puis on sait qu'il y a l'invocation du marché aussi, on le rappelle, le prophète dit que c'est l'invocation du marché, ça fait gagner 1 million de hasanet, ça efface 1 million de péchés. La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. Donc c'est une invocation. Et dans l'islam, le marché, c'est pas forcément le marché samedi ou tel jour. Même les rues commerçantes, ça s'appelle marché dans l'islam. Ce qui fait qu'il y a plein de marchés. Où tu vas. Ouais, ah, question. Un marché où, si je peux, ça m'arrête. Ouais, ouais. Ou c'est l'acheteur qui va proposer un prix. L'acheteur qui propose un prix? Oui, il n'y a pas de problème. C'est l'acheteur qui propose un prix, non pas le vendeur. Ouais. Et éventuellement, il y a un vendeur, si un vendeur est d'accord sur ce prix. Ouais. C'est-à-dire maintenant, on est dans un marché où il y a plusieurs acheteurs. Ah, l'enchère, vente aux enchères. Ça peut être une fois. C'est pas seulement une fois de vente aux enchères. Il y a des marchés. Il y a plusieurs qui proposent. C'est permis dans l'islam. Il y a plusieurs vendeurs. Oui, chacun propose ses prix. Et après, l'autre, il décide. Lorsqu'il y a des prix qui se croisent, lorsqu'il y a des prix qui se croisent, la transaction est exécutée. En fait, ce qui est dans l'islam permis, c'est. Voilà, il dit qui propose. Lui, il n'est pas d'accord toujours. Propose. Après, quand il est d'accord, là. On ne peut plus intervenir dans l'islam. On verra ça. On a vu plein de choses sans lire. Mais quand le vendeur est d'accord? Quand le vendeur et les deux sont d'accord, on ne peut plus intervenir. C'est haram. De démotiver l'acheteur ou le vendeur dans l'islam, c'est haram. S'il est d'accord, mais s'il n'est pas encore d'accord, il n'est pas d'accord. Qui propose? Il n'est pas encore d'accord. Dès qu'il est d'accord, ok. On ne peut pas venir, ah, mais attends, moi je l'achète plus cher. Ou l'autre dit, ah non, je te vends la même chaise, mais moins cher. Là, c'est haram dans l'islam. Oui, c'est dans le sens où tu vas démotiver l'acheteur. Une transaction qui sur. Après l'accord sur le prix. Après l'accord. Tant qu'on n'est pas d'accord, tant que les deux. Ils sont pas d'accord. Ils sont pas d'accord. Ouais. Tu peux intervenir. ce qui est haram, c'est d'intervenir pour acheter. Mais si tu ne veux pas acheter, mais ton ami dit non, non, c'est trop cher pour toi, viens, viens. Il n'y a pas de problème. Ce qui est haram, c'est que toi, tu as un intérêt dedans. Tu vas dire, attends, moi j'achète plus cher. Mais c'est juste, tu t'émotives ton ami, c'est tout. C'est pas que tu veux acheter la salle. Oui, non, mais oui, ton objectif, ce n'est pas faire la transaction. Mais c'est juste pour conseiller. Contraindre notre. Conseiller ton ami, par exemple. Tu dis, non, non, laisse tomber, on va trouver autre. Allez, je vais te trouver autre chose. C'est pas toi qui va faire une transaction. C'est du sens. Ouais, ouais, c'est pour ça que c'est. Mais on le cite quand même pour bien comprendre. C'est logique. Comme l'islam, c'est. Donc, par exemple, si tu peux pas prendre ce qui est donné de qui n'est pas donné de bon cœur, les musulmans sont bien, c'est haram. Mais si, par exemple, tu ramasses l'argent pour la mosquée, tu peux prendre même s'il a donné de mauvais cœur. Tu as dit donne pour la mosquée. Mais pour toi, tu peux pas dire donne-moi. Oui, voilà. Mais si tu ramasses l'argent pour la mosquée, tu peux, là, même s'il l'a donné timidement, il n'y a pas de problème. Alors que dans l'islam, pour toi, tu ne peux pas lui parler devant les gens pour le rendre timide, le mettre dans l'embarras pour qu'il te donne. Hey, tu m'offres ce truc-là devant les gens. Alors, tu ramasses pour un intérêt musulman, oui. Tu l'as mis dans l'embarras, qu'il a donné de l'argent parce que tu ramasses pour la mosquée. Tu peux. Tu l'as demandé devant les gens, il a donné pour la mosquée, il n'y a pas de problème. Par exemple. Ou tu l'as rendu timide pour qu'il t'achète. Là, il n'y a pas de problème. C'est pas pareil pour qu'il te donne. Tu as parlé, tu as fait un discours de vendeur, sans mentir. Tu l'as rendu, c'est-à-dire, tu l'as rendu timide, il l'a acheté. On va dire. Pour être clair. Là, il n'y a pas de problème. C'est pas pareil que demander que c'est-à-dire l'inciter à acheter, il n'y a pas de problème. Du moins que tu n'as pas menti. Du moins que tu n'as pas menti. Sur le produit. Exactement, sur rien, quoi. Sur rien. Tu n'as rien menti. Si. Est-ce qu'il y a des doigts comme ça, par exemple, vous êtes 5 ici, j'ai dit, tel vous donnez pour la mosquée 100 euros, vous 120 euros, vous 80 euros, est-ce que je peux. Ouais, tu veux. On peut dire comme ça. Il n'y a pas de problème. Non, je ne sais pas, il gagne combien de capacité. Non, on peut dire. Parce que toi, tu n'as pas pointé une arme, tu l'incites oralement. Et le prophète, il a incité. Une fois, vous voir qu'il a ramené tout son argent, une fois qu'il a incité à Omar, il a dit, je vais la ramener. Il a dit, tu ramènes tous les larmes, il dit pas ça. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit. Mais tu peux inciter les gens. On peut dire, ouais. Tu peux donner comme tu veux. Mais c'est pas. Non, tu peux même, si tu fixes, il n'y a pas interdit. Okay. Après, lui-même, il sait. Voilà. Si je pressais ou le. Non, lui-même il sait, mais si toi t'as insisté, c'est pas un péché. Dans l'islam, c'est pas un péché. Parce que c'est pas pour toi. Donc, c'est pas un péché. Si c'est pour. Après, lui il sait. Ici, dans l'islam, il peut pas aller. S'il a une famille, tout ça, il y a les charges de base obligatoires. Je parle pas des superflus en plus. Mais il y a une charge de base obligatoire citée ici dans la transaction aussi. Donc, tout ça, c'est pour montrer la sagesse. Dans tout ce que Dieu ordonne et interdit, il y a une sagesse, il y a des règles, vraiment, c'est-à-dire, il n'y a pas meilleure règle, meilleure loi que la loi de Dieu. Donc, il y a des règles précises dans tout, la religion. Donc, Dieu a interdit le gain usuraire. Voilà, on n'a pas parlé du gain usuraire, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Sur ça, le gain, donc Dieu a instauré le commerce, la vente, pour gagner des bénéfices. Mais le prêt, c'est que pour aider dans l'islam. Alors qu'il y en a, ils ont fait que des fortunes sur ça. La fortune de beaucoup de gens, c'est ça, sur ça. Alors dans l'islam, non, c'est haram, c'est un grand péché, le gain usuraire. Le gain usuraire, c'est que pour aider dans l'islam, pour que les gens s'aident entre eux. Maintenant, le fait que tu rendes en plus de la dette, de l'argent, c'est un bon comportement. Mais si tu l'exiges, c'est un grand péché. Tu ne peux pas le conditionner dans le contrat. Si quelqu'un prête 100 euros, il ne peut pas dire à condition que tu me rendes 150. Mais si lui, il l'a rendu, il lui a offert 20 euros en plus. C'est bien, il a des hasanettes, il a fait un bon comportement, il a donné un cadeau. Donc vous voyez, alors que l'autre, s'il dit à condition, ou il dit si tu retardes ta démajoration, là c'est un grand péché, c'est le gain juré. Donc le prophète, il dit quoi? Il dit kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Tout prêt où il est conditionné un intérêt pour un intérêt, c'est un gain juré rapporté par le bailleur. Donc l'intérêt peut être un surplus de la dette ou autre. On dit je te prête 100 euros pour un, puis à condition que tu me laisses habiter chez toi gratuitement, que tu me laisses ta voiture gratuitement, ou voilà, un intérêt. Ça c'est un grand péché, c'est le gain usuraire. Donc ça c'est le gain usuraire le plus connu. De même, s'il retarde le remboursement, dans l'islam il n'y a pas de majoration. Il y a un péché, il a un péché parce qu'il a retardé alors qu'il pouvait. Pendant qu'il a acheté à échéance, chaque mois tel temps. S'il retarde, alors qu'il a les moyens, c'est un péché. S'il n'a pas les moyens, il s'est arrivé un contretemps, il n'y a pas de péché. On n'a pas le droit de l'embêter. Il faut le laisser la journée la dette dans le hadith. Maintenant, s'il a les moyens, il ne rembourse pas, c'est un péché. Dans l'islam, il cite le prophète que c'est un péché. Il peut être, s'il y avait l'état musulman, il peut être emprisonné et tout ça pour rendre. Mais il n'y a pas de majoration. Parce que la majoration, c'est un gain usuraire. Dieu interdit le gain usuraire. Arriba, qu'on appelle. Mais beaucoup ils posent cette question. Changer le prix. Il n'y a pas d'interdit dans l'islam. Ils te vont pourtant, après ils vont un autre pourtant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de péché. Ou il te dit tu achètes comptant, je te vends 1000 euros. Tu achètes à échéance, je te le vends 1500. Il n'y a pas de péché. Il faut que ce soit précisé. Précisé verbalement ? Ouais. Il ne faut pas. Non, verbalement ça suffit. Non, ça suffit verbalement. L'écrit, c'est des choses en plus recommandées. Mais le contrat, il est verbal dans l'islam. Donc, mais de dire tu payes tant en temps, mais si tu retardes l'échéance, tu auras une majoration, là, c'est interdit. Il faut dès le début, je te vends 1000 euros, comptant. Si tu veux acheter par mensualité tous les mois 100 euros, je te vends 1500. Et tu précises dès le début, tu veux ça ou ça? Il n'y a pas de problème. Donc même si il est vraiment supérieur le prix mensualisé au prix comptant, il n'y a aucun problème. Vu qu'on a précisé, tu veux ça ou ça? Donc tu vas dire, si c'est mensualisé, tu dis, je te vends pour 1500. Chaque mois, tu payes 100 euros. Il faut préciser le total. Je te vends pourtant. Oui. Est-ce que tu as le droit de vendre le même produit, à un prix différent, suivant l'acheteur? Ouais. Ouais, il n'y a aucun problème. Même si le produit, c'est le même. C'est le... Ouais. Ouais, tu peux changer, t'es libre. Tu dis, je te vends ça pourtant. C'est haram de mentir, de dire voilà, habituellement moi je le vends ça alors que c'est pas vrai. C'est-à-dire que j'ai deux acheteurs, si toi tu me l'achètes, je te vends pas, si toi tu me l'achètes, je te vends pas. C'est deux prix différents. Ouais. Ouais, parce que. Il est libre. Parce que ça lui appartient le produit. Et dans l'islam, quand on achète une chose, tous les droits de la chose se transfèrent à l'acheteur. C'est-à-dire. Dans l'islam, selon la religion de l'islam, si tu as acheté ça, tu peux faire exactement la... Ça t'appartient à tous les droits dedans. C'est-à-dire tu peux faire la même chose exactement et la revendre. Donc, il n'y a aucun texte religieux qui interdit ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça, quand on voit les livres de l'association, il n'y a jamais écrit droit d'auteur réservé. Dans tous les livres, même s'ils sont très jolis, bien travaillés, il n'y a aucun. Pourquoi il n'y a pas ça? Alors que dans les livres des ignorants, même le livre du Coran, c'est marqué « Reproduction interdite ». Dans le livre du Coran, c'est marqué. Ouais, hein. Parce que ça n'existait pas dans l'islam. Même les poètes, qui étaient pas, il y a des gens, des poètes, ils n'étaient pas attachés à la religion, ils disaient pas aux gens « Si tu vends mes poèmes, il faut que tu me payes ». Parce qu'ils ne sont jamais habitués à ça, parce que ça n'existait pas dans la religion. Les savants, ils se fatiguaient. Ils écrivaient des grands livres. Ils dictaient tout seul. Ils écrivaient, ils faisaient l'encre tout seul. Ils passaient des nuits. Et ils n'ont jamais, Boukha, il n'a jamais dit il faut donner. Si c'est comme ça, Boukha, il serait milliardaire. Donc avec tous les livres, Nao, il serait super millionnaire. Les gens offraient, c'était des cadeaux au roi qui donnait les livres de Nao. Nao, il est mort la quarantaine à peu près. Pourtant, comment il a été connu? Il prenait 12 cours par jour, il les révisait tous. Il n'avait même pas le temps de jouer avec les enfants. Il est mort moins de 45 ans. Ces livres, on les offrait au roi. C'était des cadeaux qu'on offrait au roi. Les livres de Nao. Il serait devenu super millionnaire. On n'a pas vu Nao, il a un château, tu vois. Parce que ça n'existait pas dans l'islam. Dans l'islam, tu as acheté le livre, tous les droits dedans, tu peux faire la même chose et le vendre. Sauf que tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas dire c'est moi l'auteur du livre. Donc, ça n'existe pas en fait. Je te vends, mais tu ne peux pas le copier. Si tu ne veux pas que les gens copient, tu le gardes chez toi, en fait, tout simplement. Donc dans l'islam, tous les droits se transfèrent. Donc ça, bon, c'est une des choses que dans l'islam, ça incite les gens à faire des commerces, etc. Donc ça, c'est parmi les règles à connaître dans la religion. Donc, pour ne pas dire à quelqu'un « c'est haram » alors que c'est pas haram dans la loi de Dieu. D'accord ? Pour ne pas démentir la loi de Dieu. C'est moi, monsieur. Ouais. Encore un cas, c'est... Ouais, ouais. Dans le cas où, par exemple, le scénario où quelqu'un a acheté avec une échéance, comme tu as dit. Oui. L'acheteur n'est pas arrivé à la fin de son échéance. Ouais. Pas revu le produit. À qui revient le droit du produit? En fait, dans l'islam, du moment qu'il lui a dit je te vends le produit et l'autre il dit j'accepte, le produit, ça y est, il est devenu sa propriété, même s'il n'a pas réglé. Et le prix devient une dette, en fait. C'est comme s'il lui a prêté de l'argent, c'est une dette. D'accord. Donc quand tu as prêté, il y a une dette. Donc dans l'islam, s'il y avait l'État musulman, donc il dit il faut régler la dette. Il l'oblige à régler la dette, il emprisonne le juge musulman. Et s'il ne règle pas la dette, ben, il est dans le péché. Cette personne-là ne règle pas la dette. Elle est dans le péché. Donc. Et le produit. Ça lui appartient. Mais lui, il devrait. Qu'est-ce qu'il devrait faire, lui? Il devrait vendre son produit pour régler la dette. Cette personne-là ne doit pas signer la vraie part. Après, il y en a, ils ont assassiné des gens, ils ont disparu. Après, qu'est-ce que tu vas leur faire? Il doit se repentir. C'est pas tout. Beaucoup de gens, ils ont fait des choses très graves. Mais l'islam, voilà ce qu'elle dit. Si lui, un jour, il veut se repentir, voilà la règle qu'il dit. Il doit rompre. Il ne veut pas se repentir sans rompre. Il dit l'islam, ça c'est dans le chapitre du repentir. Conditions du repentir, ils sont cités, ça. De cesser le péché, de regretter d'avoir désobéi à Dieu, de mettre la femme en intention de ne pas récidiver et de rompre ce qui a été pris injustement. Et si il est plus vivant, celui de qui on a pris, à l'héritier. Et si on a perdu toute connaissance, on l'a volé avant, ça y est, on a oublié, là, il faut donner aux pauvres. Celui qui lui a vendu n'a plus de droit dessus, il ne peut pas le récupérer. Le produit ? Le produit. Il peut se plaindre pour qu'il récupère ce qu'il lui. Il ne peut pas récupérer le produit parce que l'autre lui a payé. Il faut qu'il récupère l'argent. Par exemple, le juge va l'obliger à vendre quelque chose pour qu'il récupère son dû. Voilà. Il récupère juste son dû aussi. Après, le reste, ça revient à lui, en fait. Personne n'est lésé, en fait. Après, il y a ce qu'on appelle l'hypothèque, ça on verra. Il met quelque chose dans l'hypothèque, dans l'islam, ça existe. Contre une dette. Tu dois connaître la finance islamique. Finance islamique, c'est un mot. Maintenant, on peut comprendre plein de choses par ce mot. Non, Oui, mais qu'est-ce qu'ils visent par cette chose? Il faut l'expliquer. Qu'est-ce qu'ils visent? Donc, on a un produit, par exemple, on propose des produits. Ouais. Qui s'appellent Moucher Aka, dans le sens où toi, tu as une entreprise, tu veux développer un département ou la vente d'un certain produit. Donc, ils vont te financer tout le département. En fait, dans l'islam, il y a des. Donc, on va voir un peu ce qu'il dit déjà dans la transaction. Déjà, il faut que le produit soit licite dans l'islam. Après, dans l'islam, il y a, on verra, bon, déjà, on va citer un peu les conditions de la vente, quand même, vite fait. La vente, elle a des conditions. Que le produit soit licite, les contreparties soient licites. C'est-à-dire l'argent et le produit acheté soient licites. S'ils vendent de l'alcool ou de la drogue, la vente n'est pas valable. C'est-à-dire l'argent ne lui appartient pas. Ceux qui vendent des boissons alcoolisées, par exemple, l'argent ne lui appartient pas. Le jour où il veut se reprendre, il doit rendre l'argent aux gens qu'il connaît. Et s'il ne les connaît pas, etc., il y a toute une chose, des conséquences qui s'en suivent. Ils doivent leur rendre, là, lui appartient pas l'argent. La vente n'est pas valable, donc il n'y a pas de transfert de possession, selon la loi de Dieu. Donc il faut que le produit soit licite, il ne faut pas que ce soit limité dans le temps. Dans l'islam, ce n'est pas valable, une vente limitée dans le temps, ce n'est pas valable. C'est-à-dire il ne peut pas dire, je te vends ce stylo pour un mois, ce n'est pas valable. Ce n'est pas une vente en islam. Il peut dire, je te loue. Cette chose pour moi, oui, mais je peux pas te dire je te vends, ça marche pas dans l'islam. Ce soit pas conditionné, c'est pas valable la vente conditionnée. C'est à dire, je peux pas le dire s'il y a telle condition, bon, je te vends ça. Si il faut que tu restes avec nous deux ans, je te vends le téléphone, il faut que tu restes avec nous deux ans, c'est pas valable. Tu dis, allez, tu me le vends pour 2 €, ok, c'est à moi, au revoir. Donc, ça t'appartient. Donc ça ne marche pas, la vente conditionnée en islam. Il ne faut pas que les choses soient inexistantes, comme une construction qui n'a pas été construite. Ce n'est pas valable de dire, viens voir, tu as vu le plan 3D là sur mon ordi, je te vends le 3e étage, alors que dans la réalité, il y a de l'air encore. Ce n'est pas valable. Dans l'islam, c'est pas valable. Il faut qu'au moins, il y a les murs qui entourent la pièce fondue. Donc, ça, c'est parmi, il faut que les deux contractants soient pubères. C'est pas valable de vendre un enfant. Selon l'imam Ahmad, c'est valable s'il a l'autorisation de son père. Tu sais que c'est ton père qui l'a envoyé, tu connais le papa dans le quartier, il l'a envoyé acheter du pain. Oui. Mais sinon, c'est pas valable de vendre ou d'acheter un enfant qui n'est pas pubère. Donc, il faut une formule. Certains, ils ont dit un consentement, c'est-à-dire implicite, ça suffit. Par exemple, tu as vu le produit 10, tu as donné sans parler, ça suffit selon certains savants. Donc ça, c'est parmi les conditions de la vente. Maintenant, il y a al-qira, c'est-à-dire mandater, on peut faire mandater quelqu'un, par exemple, il a de l'argent, mais il n'est pas doué dans le commerce. Il a son ami doué dans le commerce, mais il n'a pas d'argent. Il dit, voilà, 20 000 € pour tu vas l'utiliser dans le commerce, par exemple de vélo, je sais pas, de réfrigérateur, et on se partage un tiers pour moi, 2/3 pour toi, le bénéfice. Le capital, ça appartient à, donc les bénéfices, 1/3, 2/3. Ou il peut dire ça compte. C'est lui qui il décide dès le début. L'autre il dit j'accepte ou non. Donc c'est le mandaté de dire cette personne pour qu'elle utilise un capital dans le commerce. Ça existe dans le fait. Est-ce que c'est clair? Oui, oui. La vente à terme. Un produit, une récolte. Hein? Un produit agricole, une récolte. Une récolte, je t'achète la récolte de blé qu'il y aura au printemps prochain. Non, il faut... Selon chef, et non. Après, il faut, en fait, dans l'islam, il y a le moussaqat, c'est celle qu'on, en fait, on dit, par exemple, je te loue, je fais un contrat avec toi, toi tu t'occupes des plantes, et on se partage la récolte. Et toi c'est ta terre et tout, t'as les oliviers, je sais pas, puis lui il s'occupe de nettoyer tout ça, irriguer les plantes. Pour lui, il y a certains produits, notamment les produits agricoles, d'autres produits de matières premières. Alors là, ils ont des prix suivant le temps, dans le futur, qui sont contractés aujourd'hui, à l'instant T. Mmh. Instant T, gaz. Mais ce prix diffère si tu l'achètes dans un mois. Quand c'est pas clair, c'est pas valable dans l'instant. On verra dans la location, c'est pas valable de dire je te fais le service, après on verra que combien tu payes, c'est pas valable. Non, le prix est fixé. Le prix est fixé aujourd'hui. Ah, le prix est fixé. Non, c'est très ah, c'est d'accord. Très, c'est-à-dire que c'est très. Le prix, c'est-à-dire que c'est comme une courbe de prix dans le futur. Oui, il y a un contrat spécial sur ça, ton instant. Par exemple, le blé, il a un contrat spécial de dire je te. À ta charge. Voilà, de me ramener telle quantité de blé pour telle période. Voilà, tel prix. Ça, c'est valable, mais à condition que ce ne soit pas des choses mélangées. Il ne faut pas que du blé avec de l'orge, que du blé. Quelque chose qui n'a pas été travaillé par le feu. Il ne soit pas que dans un endroit précis. Il ne faut pas le préciser. Il ne faut pas dire de tel champ. Mais tu peux le décrire. Tu veux dire un blé américain ou blé français. Pas transformé, pas mélangé avec d'autres produits. Voilà. Quel qu'il soit, dans d'autres produits. Il ne faut pas qu'il soit dans un lieu précis. Mais il décrit. Mais il ne peut pas dire de ce champ-là. Parce que ça peut être où, comme tu as dit, du blé américain. Voilà. Ah, tu me donnes tel moment. Il précise quel moment, par exemple, comme tu as dit, après un an ou après. Et on fixe le prix aujourd'hui. Ah oui, absolument. Ouais, il faut fixer à l'avance toujours. Ouais. Il faut donner le prix dans ce cas-là. Il faut donner toute la somme à l'avance. D'accord. Ouais. Alors que la vente normale, on peut donner après. Une vente normale, voilà, je te vends ce blé. Voilà, je te le vends ce blé-là pour 1000. Ok, j'achète. Tu l'as pris, même si tu ne le donnes pas, la vente, elle est valable. Mais c'est à ta charge de donner les 1000. Alors que dans cette vente-là qu'on a citée, à charge... Il faut donner le prix à l'avance. Il faut donner l'argent à l'avance. L'argent à l'avance. Donc voilà. Voilà, on a détaillé, comme il n'y a pas beaucoup de monde. Donc alors, après, il y a la location en islam. C'est important de connaître parce que c'est une chose qu'on utilise. La location en islam aussi, ça nécessite que ce soit quelque chose de connu. Là, par exemple, il dit « je te loue ». Pour peindre ce mur pour 50 euros. Il faut préciser le salaire et le travail. Le travail doit être précisé ou par la tâche ou par le temps. On ne peut pas préciser les deux en même temps, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable de dire je te loue pour peindre ce mur en une heure. Ce n'est pas valable. Mais de dire je te loue pour faire une heure de peinture, oui. Ou ce mur-là. Il est délimité, ou une heure de peinture, c'est-à-dire il aura peint une heure, il aura fait un mur ou deux, ou un mur et demi. Du louer, c'est employé. Ouais, louer les services. Okay. Ouais, louer les services. Donc, voilà, il faut préciser le salaire. C'est pas valable de dire, ah bon, je répare, après on verra. Et après, c'est là où on discute souvent, ah non, mais non, ça vaut pas ça, mais non, pourquoi tu l'as fait? Ou le salaire avant d'avoir fait la tâche. Ah oui, c'est pas grave de dire allez, monte avec moi et puis on verra, on tourne. Ah, le compteur il a fait ça, c'est pas valable. Ça. Si le cas échéant, c'est l'employé qui va fixer le salaire. Parce que c'est lui qui apporte une compétence. C'est lui qui va te faire ça, ça va te coûter ça. Bah oui. C'est pas de problème. C'est-à-dire, donc. Toujours fixé avant de faire... Une fois, par exemple, le cheikh, il était parti voir un médecin, il a dit aux gens qui étaient avec lui, il a dit, dis-tu c'est combien? Il a dit, ça va faire entre 50 et 100. Le cheikh, il a dit, bon, on te donne 100. Et d'accord? C'est-à-dire, avant qu'il examine tout ça, il a précisé. Il lui a donné quelque chose de large, comme ça il est d'accord, et comme ça c'est réglo dans la religion. Il a dit on te donne 100, c'est bon. Il faut être d'accord, clair, c'est le début. Et c'est, pourquoi ? Il y a une sagesse, ça évite les disputes. Beaucoup de gens ils disent ah ouais, t'as vu, parce que il a vu que je viens de France, il a fait des tours là en taxi, il croit que je connais pas le bled. Du coup, il m'a raconté ça. Ah, on s'est disputé, il m'a emmené au village là-bas après. Il m'a dit ça, ça fait 50 000, etc. Ah, on s'est disputé. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup. Ou les mécaniciens. Ah ouais, mais oublie, tu les vois. Ah non, non, t'as vu ça. Je lui fais le truc, il me dit après ça. Ah non, c'est trop cher et tout. Alors que dès le début, tu fais combien ? Après, il n'y a plus de dispute. D'accord, pas d'accord, on s'en va. Mais quand il a fait le truc, alors là, non. Ouais, c'est pour ça que ça. Et dans l'islam aussi, donc c'est comme ça, c'est pas bon, comme on a dit. Il faut bien sûr que ça soit un service permis, hein. Pas je te loue pour faire du piano. Donc ça, c'est pas bon. Et il faut aussi, donc on peut par exemple louer quelqu'un qui récite le Coran. Parce qu'il y en a qui disent, ah oui, parce que le Coran c'est bien, c'est utile. Donc on peut louer le service de quelqu'un qui récite. Je te loue par exemple, c'est valable, bon. Nous, c'est sûr, on va chez les gens gratuitement, mais dans l'islam, c'est valable. Dire, ou qu'il enseigne l'arabe, ou il enseigne tel livre, c'est valable. En sachant que dans la religion, le minimum obligatoire, tu ne peux pas exiger, c'est obligatoire de transmettre. Ça, on le sait. Quelqu'un te demande apprends-moi à faire le wudu, tu es obligé de lui apprendre, si tu sais. C'est tout ce qui est obligatoire. Mais je te dis, apprends-moi la grammaire, bon, tu peux le faire, ou tu peux dire, je t'apprends telle leçon, une heure de grammaire, par exemple, pour le temps. Ou je t'écris. À l'imam Ahmed, une fois, quelqu'un il voulait donner de l'argent pour montrer qu'ils ne veulent pas consommer comme ça. Parce que le prophète l'a montré, c'est bien de consommer ce que tu as acquis avec ton travail. Et l'imam Ahmed, quelqu'un il voulait donner de l'argent, il a dit, non, je te fais quelque chose. Il a dit, t'as vu le hadith qu'on a écouté, moi je te l'écris. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui savaient écrire, donc. C'était quelque chose. Il a dit, je t'écris et tu me donnes temps. Donc, il voulait éviter d'avoir recevoir l'argent comme ça gratuitement. Il a dit, je te fais service, je t'écris le hadith. Tu me payes temps. Donc, aussi, on a dit, donc, le contrat dans l'islam où il y a un intérêt pour un et pas l'autre, il n'a pas un intérêt confirmé, c'est pas valable. Que certains appelleraient l'arnaque. Comme assurance. Dans l'islam, c'est pas valable. C'est haram. Pourquoi ? Parce que tu payes, l'autre c'est ok, il touche l'argent. Sorry. Toi, peut-être, il t'arrive quelque chose. Donc, il y a un intérêt confirmé pour l'un et pas pour l'autre. Donc, ça, c'est haram. Par exemple, pour la voiture. Après, oui, après, bon, comme on dit d'habitude, il y a les nécessités, c'est-à-dire. Pour éviter une nuisance, on peut faire des choses pour éviter une nuisance. Pour la voiture, le minimum, sinon ils vont t'embêter. Pour la maison, le minimum, sinon ils vont t'embêter. Donc quand tu t'assures, il vaut mieux s'assurer au minimum. Ah ben, non, il faut au minimum. C'est pas, il vaut mieux, c'est tout. Il faut. Parce que ce qui est plus, t'as pas une excuse pour faire le plus. Pourquoi tu fais le minimum ? Parce que si tu fais pas, ils vont pas te laisser tranquille. Ah, mais des situations, par exemple, quand tu es en deux roues. Non, ça mais dépend si tu non. Trop, c'est... non, là on parle ici, on parle selon ce que dit la religion. On est bien d'accord. C'est pas mon avis personnel, oui. D'accord. C'est pas l'avis de mon père ou de ma famille. C'est que dit la religion. Donc dans la religion, c'est quand tu peux faire parce qu'ils vont t'embêter. Donc tu fais le minimum, que ce soit en voiture ou. Maintenant, dans tout, tu veux acheter un téléphone, ah, tu veux une assurance, tu veux acheter, je sais pas, un ordinateur, ah, tu veux une assurance, peut-être il tombe, peut-être on te vole, peut-être il t'arrive ceci, et peut-être tu meurs aussi. Mmh. Bah, il t'assure, il dit, ah, si tu meurs, il y a l'assurance, oui. Mais je fais quoi avec l'argent, je meurs. On va se faire de l'argent, même t'es mort, on va se faire de l'argent. Il t'arrive une crise cardiaque, fais-toi une assurance. Et bah, alors, qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ? Donc, alors l'islam dit, il peut t'arriver plein de choses. Tu peux mourir et ben alors tu vas pas assurer tout. Le scooter, il peut arriver des problèmes, mais tu peux montrer combien de gens ils meurent au scooter. Donc, tu peux pas faire des si partout. Donc, l'islam dit des choses claires. Donc, est-ce que c'est clair ? Donc, quand pourquoi on fait les doigts, tout ça, de sortir, tout ça, on se fie à Dieu, ben, tout ça, il faut le prendre en compte. Ouais. Tu vas pas prendre assurance sur tout, et... d'accord ? On peut pas éviter. Ben, c'est ce qu'il a dit le prophète, c'est que tu crois ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. C'est super. Il a dit que tu crois ce qui t'a évité n'allait pas, ce qui t'a évité, ce qui t'a atteint n'allait pas t'éviter, ce qui t'a évité n'allait pas t'atteindre. Ben, c'est croire en la prédestination. Une goutte d'eau qui tombe sur toi, c'est prédestiné qu'à tel moment, telle seconde, elle tombe sur toi. Point à la ligne. Donc pourquoi tu dis Bismillah, il y a le doigt quand tu montes sur la montagne, etc. Tu vas pas assurer l'âne et tout. Avant, tu serais devenu des riches là, avec tous les ânes, tous les. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc voilà, on a fait une grande partie pour comprendre un peu les transactions. Il faut suivre la loi de Dieu, voilà. Donc on peut être riche en suivant la loi de Dieu. Non, l'important c'est la richesse pour le dollar. Par exemple avec la banque en fait. Par exemple si on garde l'argent au bout d'un certain temps, il te passe des intérêts, ça c'est pas bien. Ah oui, c'est pas bien. Bon, selon Abu Hanifa, il y a l'avis des Hanafi. Il dit que dans un pays de mécréants, si t'es gagnant, tu peux faire. Abu Hanifa il dit ça. Enfin l'avis des Hanafi. Ouais, t'es gagnant. Il vient des pays de non-musulmans, pas de pays musulmans. Qui se passe sur un hadith en fait. C'est des petites divergences qui existent à la salle. La plupart disent non. Mais c'est l'avis d'un des élèves de l'école Hanafite, c'est un vrai savant, il dit, ils sont basés sur un hadith où il dit que si t'es gagnant avec un mécréant, dans un pays de mécréants, c'est pas interdit. Est-ce que c'est clair? Ouais. C'est clair? J'ai une question. On va finir là. Juste une dernière. Par exemple, si les personnes, par contre, toi, tu es perdant avec eux, est-ce que tu as le droit, par exemple, ils nous prennent 20 euros d'intérêt, par exemple, est-ce que moi, j'ai le droit de, par exemple, sortir 20 euros de zakat pour... Zakat, c'est tiré la part. Parce que tu payes l'État, c'est pas zakat. Il faut pas mélanger. Zakat, c'est des conditions à part, ça va pour les pauvres musulmans, et c'est ce que tu gagnes. Parce que tu as l'argent qui est resté à côté, pendant un an, tu donnes un quarantième. Un quarantième. 2,5%, mais un quarantième. C'est la même chose. Mais sadaqa plutôt, c'est plutôt sadaqa. Ah, sadaqa, oui, tu peux donner sadaqa tous les jours, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Okay. Sadaqa, mashallah, tu peux donner tous les jours. D'accord ? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad Tahir Al-Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى